Chapitre 259 La condamnation de l'homme à double face. Allah Ta'ala dit: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'il, Allah, n'agré pas. Et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Sourate 4, verset 108. 1540. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: vous constaterez que les gens héritent de la noblesse de leurs ancêtres. Littéralement, sont des minerais. Les meilleurs avant l'avènement de l'islam, dans la Jahiliya, sont les meilleurs pendant l'islam, à condition qu'ils apprennent leur religion. Et vous constaterez que les plus aptes au commandement sont ceux qui répugnent le plus à l'obtenir. Vous constaterez enfin que le pire des hommes est l'homme à double face. Il vient voir les uns avec un visage et les autres avec un visage différent. Al-Bukhari et Muslim. 1541. Mohammed ibn Zayd rapporte que des gens ont avoué à son grand-père Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma: lorsque nous sommes en présence de nos souverains, nous ne leur tenons pas le même discours que lorsque nous les quittons. Abdullah dit: du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous considérions cela comme de l'hypocrisie. Al-Bukhari.